Book 2 54 54 التسوق Faire du shopping أريد أن أشتري هدية Je voudrais acheter un cadeau. Je voudrais acheter un cadeau. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Mais pas trop cher. Mais pas trop cher. ربما شنطة يد. Peut-être un sac à main. Peut-être un sac à main. أي لون تحب؟ Quelle couleur désirez-vous؟ Quelle couleur désirez-vous؟ أسود، بني أو أبيض. Noir, brun ou blanc؟ Noir, brun ou blanc. كبيرة أو صغيرة. Un grand ou un petit؟ Un grand ou un petit. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Est-ce que je peux voir celui-ci؟ Est-ce que je peux voir celui-ci؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Est-il en cuir؟ Est-il en cuir؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Ou en matière synthétique. Ou en matière synthétique. من جلد طبيعي طبعا. En cuir véritable. En cuir véritable. هذه نوعية ممتازة. C'est de la très bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. هذه تعجبني. Il me plaît bien. Il me plaît bien. سأخذها. Je le prends. Je le prends. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Puis-je éventuellement l'échanger؟ Puis-je éventuellement l'échanger؟ بالتأكيد. Bien sûr. Bien sûr. نغلفها كهدية. Nous vous faisons un paquet cadeau. Nous vous faisons un paquet cadeau. هناك صندوق الدفع. La caisse est par derrière. La caisse est derrière.